إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 34 aujourd'hui dans l'explication de al-usul al-thalatha, sharh al-usul al-thalatha de Cheikh Zayd al-Madkhali. Et le Cheikh, il arrive à la partie où il explique maintenant les différentes formes d'adoration, anwa' al-ibadat. Et il explique parmi ces différentes formes d'adoration, on en a mentionné plusieurs. Maintenant, il va expliquer al-dhabh. Et ça tombe bien parce que justement, ça a rapport avec Eid al-Adha. Yani on va faire l'Eid, inshallah, dans quelques jours, dans deux jours. Donc, yani, al-dhabh, ça fait partie des formes d'adoration. Et ça, ça rentre. Donc, le sacrifice qu'on fait le jour de Eid al-Adha, ça rentre dans les formes d'adoration dans l'islam. Le Cheikh, il dit, min anwa' al-ibadati al-dhabh. والمراد به الذبح الذي يذبح على سبيل القربة ويدخل في ذلك كل دم يذبح للتقرب إلى الله عز وجل من هدي وصدقة ونذر وغير ذلك من الذبح المشهور المشروع كله لا يجوز أن يتوجه به العبد أو أن يتوجه به العبد إلا لله وحده فإذا ذبح لغير الله نذرا أو قربة يرجو من ورائها نجدة فذلك الغير في جلب مصلحة يرجو من ورائها نجدة ذلك الغير في جلب مصلحة أو دفع ضرر فقد صرف هذه العبادة الفاضلة لغير الله عز وجل وكان ذلك كافرا ومشركا. Donc le cheikh explique que qu'est-ce qu'on veut dire par al-dhabh, le fait de dégorger l'animal ou de, yani, de faire le sacrifice ou de l'immoler. Il y a différents termes qui sont employés, yani, tout ça on veut dire dans le fait d'égorger un animal dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-qurba. Donc c'est le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on recherche par le fait de faire ce sacrifice. Et on peut inclure dans ça tout sacrifice qui est fait dans le but de se rapprocher d'Allah, que ce soit une offrande, par exemple lorsque quelqu'un fait le hajj et il ramène avec lui le sacrifice. Donc, qu'est-ce qu'on appelle al-hadi ou al-sadaqa? Donc, quelqu'un qui égorge un animal pour, dans le but de faire une sadaqa, hein, de nourrir les pauvres ou de yani, donner de la viande aux gens. Ou bien que ce soit un nadr, comme quelqu'un qui avait fait un vœu à Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, il a dit, oh Allah, je te demande de me donner le succès dans mes études. Et si tu m'aides à réussir dans mon travail ou dans telle chose ou dans telle chose, bien pour te remercier, pour te remercier de ce que tu as fait, eh bien je vais égorger un mouton en retour. Ça, c'est ce qu'on appelle un nadr. C'est un exemple de nadr. Et donc si tu fais, tu vas sacrifier le mouton par la suite. Donc ça, ça fait partie des formes de rapprochement et d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tout ça, ça rentre dans al-dhabh qui est légiféré par l'islam et qui est accepté et qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ces sacrifices qu'on fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas permis de se tourner vers autre que Allah. Par exemple, il y a des gens qui font des sacrifices où ils vont égorger un animal pour une tombe, hein, ou bien pour un djinn. Il y a des gens qui font ça. Par exemple, j'ai vu dans certains pays qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils vont construire quelque chose ou ils vont faire un nouveau chantier de construction ou quoi. Ils vont amener un mouton puis ils vont l'égorger là-bas pour le djinn. Pour que le djinn ne va pas se venger sur eux ou des choses comme ça. Ça rentre dans le shirk. Parce que tu vas égorger pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a qui égorgent pour une tombe ou pour un wali. Ils vont à la tombe et puis ils égorgent le mouton pour le wali. Tout ça, ça c'est shirk aussi. Ça rentre dans qu'est-ce qui est fait pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien il y en a qui, qu'est-ce qu'ils font aussi, ils vont faire pour une idole. Hein, pour une idole. Ou des choses comme ça. Donc ça rentre aussi dans le shirk. Et dans les autres religions aussi, il y a des gens qui égorgent des animaux pour leur fausse divinité, comme par exemple qu'est-ce qui se fait chez les hindous, les bouddhistes, d'autres religions, même chez les en Haïti par exemple, il y a les vaudouisants. Il y a une religion qu'on appelle le vaudou en Haïti, et c'est les gens qui adorent en fait les djinns. Et quand ils veulent un service ou quelque chose des djinns, eh bien, en échange, ils vont sacrifier un animal, soit une poule ou une chèvre ou une vache ou quelque chose comme ça pour les djinns. Hein? Tout ça, c'est du shirk que les gens font. Et il y en a dans les pays musulmans qui font ça aussi. Hein? Et je me rappelle une fois j'avais lu un livre de qu'est-ce qui se faisait par exemple dans certains pays musulmans, des gens qui font du sihr et qui utilisent par exemple les animaux et puis ils sacrifient des animaux pour les djinns pour demander les services des djinns. C'est la même chose qu'est-ce que les Haïtiens font avec le voodoo, ben c'est la même chose. Et eux ils disent qu'ils font ça au nom de l'islam, c'est ça le pire. Comme qu'est-ce que j'avais entendu de la part de certains des Turcs Soufia, comme les Gnawa, les Isawiya et d'autres Turcs aussi, ils font du sihr et ils mélangent l'islam avec le sihr. Donc ils sacrifient des animaux pour les djinns, pour les shayatines et toutes sortes de choses comme ça. Donc tout ça là, c'est des choses qui se passent dans des pays musulmans. C'est pas dans les pays des mushrikines, des kuffars, des juifs, des chrétiens, des hindous ou autres. Non, ça se passe dans des pays des gens qui disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et pourtant ils font du shirk. Donc c'est pour ça que c'est très important de concentrer l'éducation des musulmans sur l'apprentissage des fondements de l'islam et des bases de la religion, en particulier le tawhid et le danger du shirk. Donc le cheikh explique que toute adoration qui est faite pour autre que Allah, eh bien ça fait que la personne en question va devenir un mushrik ou un kafir. Si tu le fais dans le but de faire un vœu pour autre que Allah, ou pour te rapprocher d'autres que Allah, ou pour espérer qu'en sacrifiant pour un individu ou pour une chose, ou pour un wali ou un saint ou une tombe, hein, que ça va éloigner un mal et que ça va ramener un bien, ça aussi ça rentre dans qu'est-ce qui est shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'islam, alhamdulillah, c'est le tawhid, c'est l'unicité d'Allah dans l'adoration et dans la foi. الشيخ يقول ensuite وأما ما يتعلق بما يذبح عادة أو يذبح ضيافة وتكريما لصديق أو قريب فهذا لا محذور فيه إذ انتفت الموانع الشرعية وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام الضيف في قوله ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne le fait de faire un sacrifice par comme dans le sens de l'habitude, ou qu'est-ce qui est fait par habitude, par tradition, ou bien par exemple dans le sens que tradition dans le sens que quand on a un invité, on va l'honorer en égorgeant un animal pour le nourrir, hein. Et ça fait partie des choses qui font partie de l'islam, du fait d'honorer l'invité, de nourrir nos invités, de les honorer. Ça, il n'y a aucun mal là-dedans. Donc, si tu as un invité, tu as un ami, un proche qui vient, tu veux lui préparer de la nourriture, donc tu égorges un animal, ça, il n'y a aucun mal dans ça. Tant que ça respecte les règles de la charia, tu le fais comme il faut, donc il n'y a pas de problème. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné d'honorer notre invité. Comme c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Hein? فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. Donc, si tu n'honores pas ton invité, c'est comme si ta foi en Allah et en le jour dernier, elle est pas complète. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ. Est-ce que ça veut dire que s'il n'honore pas son invité, il devient kafir? La yu'minu billah wa la bil yawmil akhir? Là, ça ne veut pas dire ça. Ça veut juste dire que sa foi en Allah et en yawmil akhir, elle est faible. Elle est moins forte que celui qui le fait. Sa foi, elle est déficiente. Elle est moins forte. Elle est moins complète que celui qui va honorer son invité. Après, le cheikh explique, il dit, من جملة إكرام الضيف الذبح له إكراما وإحياء للسنة كما قص الله عز وجل عن إبراهيم الخليل عليه السلام فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه قال ألا تأكلون إلى آخره. Donc le cheikh explique que parmi les choses qui font partie d'honorer l'invité, il y a le fait de faire d'égorger un animal pour l'honorer et pour faire revivre la sunna, comme Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à propos de Ibrahim al-Khalil. Lorsqu'il a eu la visite des anges, il pensait que c'était des hommes, donc il leur a fait préparer de la viande, hein. Il leur a fait préparer de la viande et aussitôt que il a vu les invités, il a appelé sa famille, sa femme, il lui a dit, prépare la nourriture, mais ça veut dire égorge un animal et puis prépare-le. Parce qu'à l'époque, bien entendu, il n'y avait pas de réfrigérateur, les gens ne gardent pas la viande comme ça pendant congelée comme aujourd'hui. Quand les gens arrivent, ils ont les animaux là, ils égorgent l'animal, ils le nettoient, ils enlèvent tout, qu'est-ce qu'il faut enlever, et puis tout de suite ils le font cuire, ils le mangent. C'est pas comme aujourd'hui où les gens préservent ou conservent de la viande même après qu'elle a été égorgée pendant longtemps, donc ils peuvent juste la sortir puis la préparer. C'est pour dire que ça fait partie aussi d'honorer les invités. Quand tu fais de la viande pour eux, ça rentre pas dans le shirk. Si tu fais ça, tu vas pas être considéré comme un mushrik parce que tu honores ton invité en lui sacrifiant un animal. Et ça, je l'ai vu souvent dans les pays musulmans. Les gens font souvent ça. Quand ils ont un invité pour l'honorer, ils vont préparer de la viande, ils vont égorger un animal. Hein? Et plus ils ont des moyens, plus qu'ils ont de l'argent, plus que l'animal en question va être gros. S'ils ont plus de moyens, ils vont égorger un plus gros, parfois même un chameau même, hein? Et même il y a des gens qui m'ont raconté, il y a un de mes professeurs quand j'étais à Médine, il nous racontait que quand il y avait des gros problèmes entre deux familles, parfois pour régler le conflit, pour essayer de faire la paix, eh bien, une famille allait venir avec le chameau devant la maison de l'autre, et puis il allait comme égorger le chameau en signe d'honneur, tu vois, pour faire la réconciliation, puis après il prépare ce chameau puis ils mangent ça ensemble. Donc c'est pour dire comment la générosité, puis le fait d'offrir de la nourriture, c'est toujours quelque chose qui fait partie de l'islam et qui est bien, que Allah subhanahu wa ta'ala aime. نعم دونك الشيخ يقول ولهذا يقول العلماء ان الواجب على القادر اذا نزل به ضيف ان يكرمه بذبيحه ان كان قادرا. دونك الشيخ mentionne que les ulama ont dit que c'est l'obligation pour la personne qui est capable, lorsqu'elle a un invité qui descend chez lui, de l'honorer en égorgeant un animal. Et c'est mentionné par l'imam Muhammad al-Shanqiti, l'imam al-Shanqiti dans son tafsir Adwa al-Bayan. Donc ça, c'est bien entendu s'il a la capacité de le faire. Amma in kana nasakan nusukan wa ibada fala yajuzu an tusraf li ghayrillah wa man sarafaha li ghayrillah faqad ashrak. C'est-à-dire que si la personne elle le fait pour, dans le but de se rapprocher à Allah, mais par adoration, dans ce cas-là, elle n'a pas le droit de le faire pour autre que Allah. Il faut, si elle le fait par adoration, il faut qu'elle le fasse uniquement pour Allah, et que si elle égorge l'animal pour autre que Allah, alors ça, c'est, dans ce cas-là, c'est du shirk. Et la dernière forme d'adoration que le cheikh a mentionnée parmi les différentes formes qu'il a énumérées, c'est النذر. Et le cheikh explique, il dit والنذر وغير ذلك من انواع العبادة التي امر الله بها كلها لله. Le cheikh il dit que النذر ainsi que les autres formes d'adoration que Allah a ordonné, elles sont toutes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit من انواع العبادة النذر اي يعني باي شيء كان سواء نذر بصوم أو حج أو اعتكاف أو دراهم أو أي شيء يكون فهو عبادة لا يجوز صرفه لغير الله عز وجل. كأن يقول إنسان نظرت لله تبارك وتعالى أن أصوم 3 أيام تقربا ونذرا مطلقا ليس مقيدا، لأن النذر المقيد مكروه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج من البخيل Donc le cheikh explique que النذر, donc peu importe pourquoi tu fais le nazr, comme j'ai dit, c'est comme on le traduit souvent par le vœu pieux, c'est le fait d'avoir l'intention de faire quelque chose pour Allah subhanahu wa ta'ala et de se l'imposer à soi-même. Se l'imposer à soi-même ou de se le rendre obligatoire. Donc tu dis par exemple que peu importe que ce soit un vœu de faire un jeûne ou un hajj ou une i'tikaf ou de donner de l'argent ou peu importe, une sadaqa ou autre, et dans ce cas-là c'est une adoration et tu n'as pas le droit de l'offrir à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme par exemple si quelqu'un dit je fais le vœu à Allah subhanahu wa ta'ala que je vais jeûner 3 jours pour me rapprocher d'Allah et que c'est un nazr général absolu sans limite, sans restriction. Il dit parce que le vœu qui est avec restriction, il est détestable. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que un nazr ça n'amène pas de bien, c'est uniquement quelque chose par laquelle on fait sortir quelque chose de la personne avare. C'est comme si des ulama ont mentionné que en fait an-nadhr c'est pas quelque chose qui est recommandé de le faire ou bien de le faire parce que tu t'imposes quelque chose à toi-même qui n'est pas obligatoire à la base. Donc, c'est comme si tu te rendais la religion plus difficile. Parce que peut-être que tu vas faire un vœu et que par la suite, tu ne seras pas capable de le respecter, ce vœu-là. Donc, tu te mets dans une situation, dans une position difficile et mauvaise. Donc, les ulama ont dit que de faire un vœu au départ, c'est quelque chose qui est détestable. Mais une fois que tu l'as fait, si tu dois l'accomplir, tu dois le respecter, puis si tu le respectes, ça c'est quelque chose de bien vu, c'est quelque chose de bien. Mais qu'est-ce qui n'est pas bien, c'est de le faire au départ, hein, de faire le nadr au départ, c'est ça qui n'est pas bien. يعني الشيخ يكسبليك الذي وذلك بأي كأن يقول إن شفي الله مريضي فلله علي كذا. Donc quand le professeur Assemi il dit par exemple إن النذر لا يأتي بخير, ça veut dire ça, c'est dans ce sens là, c'est que c'est pas le fait que tu fais le nadr qui va faire que cette chose là va se produire. Comme si tu dis, si Allah guérit mon malade, ou la personne que je veux, qui est malade, que je veux que Allah guérisse, si Allah la guérit, eh bien, je vais jeûner, par exemple, ou je vais faire un sadaqa, ou je vais faire, par exemple, 50 nawafil, par exemple. Eh bien, c'est pas le fait que tu fasses ce nadr qui va faire que Allah va le guérir. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par son qadar, hein, et c'est par sa volonté que ça se passe. Donc, ça va pas ramener un bien. Et c'est juste pour faire sortir quelque chose de la personne avare. Parce que si elle fait pas le nadr, elle va pas vouloir le faire d'elle-même. Elle va pas faire sadaqa d'elle-même, elle va pas faire le jeûne d'elle-même. C'est juste pour qu'elle est obligée de se l'imposer comme ça parce qu'elle est avare. Hein? Donc, le cheikh explique, il donne des exemples. Il dit, comme la personne qui dit, bon, si Allah guérit ce malade, eh bien, je m'imposerai à moi-même de faire telle ou telle adoration pour Allah. Et donc, وَإِن تَحَصَّلْتُ على كذا وكذا فلله علي من كذا من المال أو كذا من الصوم أو حج أو عمرة أو ما شاكل ذلك فهذا هو الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبر نذرا ويعتبر نذرا مقيدا ألزم العبد به نفسه فيأثم بعدم الوفاء به فوجب عليه الوفاء وجوبا. Donc c'est ça le nadr. يعني c'est ça le nadr al-muqayyad. C'est que tu fais un nadr et tu l'associes à quelque chose. Tu l'associes à quelque chose, comme par exemple que quelqu'un soit guéri ou quelqu'un soit que tu obtiennes quelque chose que tu veux ou des choses de ce genre. Et il y en a qui font ce genre de nazr pour des morts ou pour des saints ou pour des tombes ou pour des idoles. Donc ils vont aller par exemple dans certains pays musulmans, il y a déjà on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a interdit que on bâtisse sur un tombe, sur un tombeau ou sur une tombe, il a interdit qu'on bâtisse quelque chose, que ce soit une pierre ou de mettre quoi que ce soit sur le tombeau, un dôme ou bien une mausolée, une mosquée ou quoi. On n'a pas le droit de construire quoi que ce soit sur une tombe. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné dans plusieurs hadiths, par exemple dans un hadith dans lequel il dit la'natullahi ala al-yahoud wa al-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ça c'est un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne qu'il a maudit les juifs et les chrétiens, hein, que Allah maudisse les juifs et les chrétiens. Ils ont pris la tombe de leur prophète comme des lieux de culte, des lieux d'adoration, des mosquées, des lieux de prière, et il les a maudits pour ça. Et dans d'autres hadiths, il a dit par exemple la yujassas al-qabr wa la yubna alayhi. Donc, c'est-à-dire, on n'a pas le droit de plâtrer la tombe ou bien de construire quoi que ce soit dessus. Ça, c'est rapporté par l'imam Muslim dans son Sahih. Et il y a aussi d'autres narrations du hadith comme le hadith de Abil Hayyaj al-Assadi. Et c'est le hadith ce hadith-là, il est rapporté que Abul Hayyaj, il dit, يعني علي رضي الله عنه ما دي علي ابن أبي طالب رضي الله عنه il m'a dit je vais t'envoyer dans une dans la mission que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم m'a envoyé. Ali رضي الله عنه il envoie Abil Hayyaj faire une mission et il lui dit c'est la même chose que le prophète صلى الله عليه وسلم m'avait demandé de faire à son époque. Et il a dit an la tada wa an la tada qabran mushrifan illa sawaytah. Donc parmi les choses, qu'est-ce qu'il a mentionné? Il a dit an la tada suratan illa tamasta wa la qabran mushrifan illa sawaytah. Ça veut dire que tu vas pas prendre, tu vas pas trouver une image ou une statue, une idole, excepté que tu vas l'effacer ou que tu vas la détruire. Et tu vas pas trouver une tombe qui est surélevée, hein, excepté que tu vas la niveler au niveau du sol. Et là, ça waita. Donc, les ulama ont pris de ce hadith-là que si un tombeau était surélevé, le tombeau devait être nivelé. C'est-à-dire, qu'est-ce que les gens ont construit par-dessus une tombe, que ce soit la tombe d'un roi, d'un dirigeant, ou d'un saint, ou d'un homme pieux, ou d'un wali, ou peu importe. Si elle est surélevée, ou on a construit quelque chose par-dessus, il faut détruire cette construction-là. Hein? Et il y a des mosquées dans les pays musulmans, dans certains pays, il y a des hommes qui ont été enterrés à l'intérieur. Les ulama ont dit, si la mosquée était avant la tombe, dans ce cas-là, on peut enlever la tombe et la mettre ailleurs. Tandis que si c'est la tombe qui était là en premier et qu'on a construit par-dessus la mosquée, dans ce cas-là, il faut détruire la mosquée au complet. Parce qu'elle n'a pas été construite à un endroit qui est permis. Elle a été, souvent, ils ont construit ces mosquées-là pour honorer ce mort. Et les gens viennent prier là-bas et en même temps, ils font des adorations pour le mort aussi à l'intérieur. Donc, dans ces tombes-là, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis des boîtes de sadaqa à côté de la tombe pour donner sadaqa au wali ou des choses comme ça. Et bien entendu, il y a des gens qui s'occupent de ces endroits-là, ils font le ménage ou le nettoyage. Des fois, même, c'est des gens qui sont avec des liens de parenté avec la famille de ce wali, soi-disant. Hein? Et dans chaque ville, dans chaque village même, des fois, il y a un endroit comme ça, une zaouia, ou une salla, un dôme, ou quelque chose, les gens vont là-bas, puis même parfois, ils vont faire des pèlerinages là-bas, des mawasim, ils font comme un genre de festival, ou de... un genre de... comment on appelle? Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ils font un genre de... comment on appelle des, pas des carnavals, mais c'est comme un genre de foire, hein. Ils font comme un genre de foire à cet endroit-là, près de la tombe de ce saint. Et là-bas, ils font des jeux, ils font de la musique, de la nourriture. Mais ouais, c'est ça. Ils font ça. Et tout. Oui, c'est ça. Mais c'est pas que au Maroc, hein. C'est dans plein de pays musulmans qu'il y a des choses comme ça. Et tout ça, c'est, toutes ces activités-là sont faites autour de l'adoration de la tombe du wali et de lui demander la baraka ou de lui demander des choses comme ça. Donc, il y en a qui vont à la tombe du saint, ils vont lui dire, on veut par exemple telle ou telle chose, quelqu'un il est malade, on veut qu'il soit guéri et ils font un vœu au wali. Ils disent, si tu guéris mon malade, eh bien, je vais t'amener l'année prochaine ou quoi, je vais ramener tel sadaqa ou je vais ramener un mouton ou une vache ou bien je vais donner telle somme d'argent ou des choses comme ça. Donc il n'y a pas de doute que ça, là, c'est du shirk, hein, c'est du shirk avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Et si quelqu'un fait ça, eh bien, il est dans la menace, là. Il est sous le danger de l'enfer éternel, yani. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ce verset-là, il te montre le danger du shirk. et le fait que le shirk, Allah ne le pardonnera pas. Allah ne pardonne pas le shirk akbar, et même certains ulama disent même le shirk al-asrar, il ne le pardonne pas. Hein? Sauf que c'est pas le même degré. Shirk asrar, c'est, ça rentre parmi les kaba'ir. C'est pas shirk al-asrar ou al-kufr al-asrar, ça rentre parmi les akbar al-kaba'ir, mais ça fait pas partie de. Yani, idha tab, yughfar. Yani, la repentance, elle pardonne tous les péchés, même le shirk, akbar. Si quelqu'un se repent, c'est-à-dire, il fait le tawba, et Allah, il le pardonne. C'est comme, par exemple, quelqu'un, il est chrétien, il adore Jésus, Marie, Joseph et les saints, et puis, là, il découvre l'islam, il découvre le tawhid, et il dit, « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. » Ça, c'est, ça veut dire qu'il rentre dans l'islam. Ça représente pour lui une tawba du shirk. Hein? Ça représente pour lui une tawba du shirk. Maintenant, si quelqu'un était musulman, il est né dans une famille musulmane, wa alaykoum salam wa rahmatullah, ça va, hein, alhamdulillah. Il est né dans un pays musulman, dans une famille musulmane, dans un pays musulman. Mais, par exemple, dans cet endroit-là, les gens font le shirk. Et il y en a qui le savent, qu'est-ce que c'est ? Il y en a qui ne savent pas, il y en a qui n'ont pas étudié la religion, ils n'ont pas fait des efforts pour comprendre. Dans ce cas-là, c'est sûr que le shirk, ça fait partie des choses que si quelqu'un le fait, même s'il dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, s'il meurt sur le shirk, il mérite l'enfer éternel. La question, c'est quoi ? La question, c'est uniquement, comme les ulama ont mentionné, les questions dans lesquelles quelqu'un est excusé pour d'avoir commis un péché ou un acte de shirk. C'est dans les cas où la personne, elle vit dans des endroits totalement isolés. Elle est coupée de la communication, de la civilisation, elle n'a pas d'accès à la science, elle ne peut pas demander à un savant, elle ne peut pas lire un livre, elle ne comprend pas l'arabe. C'est des gens illettrés, ils ne comprennent pas. Et il n'y a personne qui leur a enseigné. Ces gens-là, c'est des gens qui peuvent rentrer dans l'excuse par rapport à leur ignorance. Mais des gens qui ont accès à la connaissance, qui ont accès aux livres, qui a des savants à proximité d'eux, auxquels ils peuvent poser les questions, et que les livres sont là, même il y a des cours qui sont disponibles sur la radio ou par internet, et eux, ils n'ont pas fait d'effort pour essayer de chercher qu'est-ce que c'est le tawhid, qu'est-ce que c'est le shirk. Ils n'ont pas lu le Coran alors qu'ils comprennent l'arabe, ils sont capables même de lire et d'écrire en arabe comme il faut, sans problème. Et quand ils lisent le Coran, ils peuvent retourner au tafsir, ils peuvent retourner aux paroles des ulama, ils peuvent chercher, mais ils font aucun effort pour savoir. Ces gens-là, ils ne sont pas excusés. Ces gens-là, ils ne sont pas excusés. Et s'ils meurent sur le shirk sans se repentir, eh bien, c'est clair que c'est des gens qui vont être en enfer pour l'éternité parce que, comme Allah le dit, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ يعني وَمَأْوَهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ. Donc, ça c'est des choses qu'il faut comprendre. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme tu dis, il y a des gens, par exemple, dans les pays musulmans, dans des villages ou dans des villes, ils ne connaissent pas et ils font du shirk. Ça veut dire que ça c'est notre responsabilité. À nous, si on a la connaissance du tawhid et la connaissance de qu'est-ce qui est shirk, de leur enseigner le tawhid. Et de les avertir contre le shirk avec les versets du Coran, avec les hadiths, avec les paroles des ulama, et de leur montrer l'importance du tawhid et que qu'est-ce qu'ils font c'est du shirk avec les preuves. C'est ça qui va faire que ces gens-là vont comprendre et ils vont abandonner. Mais c'est pas juste de rester comme ça puis tu dis ah mais nos parents ou nos ancêtres ils font le shirk mais ils savaient pas. ils ne savaient pas, dans ce cas-là, il faut leur apprendre. Et on a la responsabilité de leur faire la da'wah. Hein? C'est ça notre responsabilité une fois qu'on a la connaissance. Parce que c'est pas dans l'islam, il n'y a pas une connaissance juste pour savoir. Savoir quelque chose juste pour dire je le sais, c'est tout. Il faut que cette connaissance-là soit appliquée, ou il faut qu'elle soit enseignée, transmise, dans le but de pouvoir la mettre en application. Donc si les gens sont éduqués sur le tawhid, et c'est pour ça que les ulama ils disent tout le temps qu'il faut faire talabul ilm, il faut aller chercher la science. Une fois qu'on a appris la science, il faut enseigner aux autres, expliquer aux autres. Une fois que tu vas leur expliquer, ils vont comprendre, et après ils vont revenir et se corriger, se repentir, cesser de faire le péché qu'ils faisaient, et en particulier si c'est le shirk, parce que c'est le plus grave de tous les péchés. Et il n'y a pas une chose qui est plus obligatoire dans l'islam pour quelqu'un d'apprendre que le tawhid. Hein? Si tu dis ben, la salat c'est important, oui, c'est le premier, c'est le deuxième pilier. Avant ce pilier-là, il y a un autre pilier qui est plus important que la salat. C'est quoi? C'est le pilier de la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc, si tu dis je suis musulman, mais tu connais pas le tawhid, tu connais pas le shirk, donc ça veut dire que le premier pilier de l'islam, tu l'as pas appris. Donc il y a un problème. Tu peux pas négliger la chose la plus importante de l'islam. Et le professeur Hassem a dit « Bouni al-Islam ala khams ». L'islam, il est bâti sur cinq choses. Et la première chose qu'il dit, « Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ». Donc si la base de l'islam, la base sur laquelle tout le reste de l'islam est établi, tu le connais pas, tu ne l'étudies pas, ben, comment ton islam il va se tenir? Donc ta salat, tu l'as fait pour rien. Ton jeûne de Ramadan, tu le fais pour rien. Ton hajj, tu le fais pour rien. Ta zakat, tu la donnes pour rien. Ta sadaqa, tu donnes pour rien. Pourquoi? Parce que tu connais pas la base de l'islam. La ilaha illallah, qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sais pas. Donc, tu fais du shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, puis tu appliques les autres quatre piliers de l'islam, puis les autres applications de l'islam. Ça c'est, comme on dit, du gaspillage. C'est du gaspillage. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit هل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. Allons-nous vous apprendre qui sont les plus grands perdants en œuvre, ceux qui الذين ضل سعيهم, ils ont égaré leurs efforts, ils ont perdu leurs efforts dans la vie d'ici-bas alors qu'ils s'imaginaient faire le bien. Ils pensaient faire le bien. Hein? Ils pensaient faire le bien, pourquoi? Parce qu'ils faisaient du bien. Ils donnaient un sadaqa, ils faisaient la salat, ils faisaient le dhikr, ils faisaient ci et ça. Mais ils faisaient en même temps le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc toutes les bonnes œuvres qu'ils ont faites sont devenues de la poussière. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, ne va pas accepter les bonnes œuvres qui ont été faites par les kuffars et par les mushrikines. Et il dit وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. On a vu ce qu'ils ont fait comme bonne œuvre et on l'a fait devenir comme de la poussière qui est éparpillée par le vent. Hein? Et dans d'autres versets comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. C'est-à-dire celui qui fait le shirk, son œuvre, elle est devenue vaine, hein? Elle est devenue sans aucune valeur, et dans l'au-delà il est comme, il sera parmi les perdants. Donc tes ibadat, tes bonnes œuvres que tu as faites, tes hasanat, tes ibadat, tout ça, ça vaut zéro. Pourquoi? Parce que tu as fait du shirk. Ou bien parce que tu n'as pas fait comme il faut. Tu n'as pas fait tes adorations comme il faut. Par exemple, les gens qui font des adorations, mais sur la bid'a. Ils pensent qu'ils font du bien. Hein? Mais Allah ne va pas les récompenser pour qu'est-ce qu'ils font. Parce qu'ils ne le font pas, même s'ils le font pour Allah, mais ils ne le font pas à la façon que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de le faire. Donc ils font des bid'a, des innovations. Et à cause de ça, Allah ne va pas les ne peut pas les accepter leur action, qu'est-ce qu'ils ont fait. يعني العلماء يعتبرون هذا من الشرك الأصغر مثلا الذي يقسم بغير الله أو الذي مثلا يقول par exemple ما شاء الله وشئت ما شاء الله وشئت. Le prophète صلى الله عليه وسلم, quand il y a quelqu'un qui est venu le voir, il lui a dit ما شاء الله وشئت, il lui a dit لا تقول ما شاء الله وشئت, قل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله ندا, est-ce que tu as fait de moi un égal avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu dis ce que Allah a voulu ainsi que toi, non, tu dis ce que Allah a voulu lui seul, ou bien tu dis ce que Allah a voulu ensuite ce que tu veux, mais pas tu mets la volonté d'Allah et la volonté d'une créature à égalité. Ou bien qu'est-ce que tu as mentionné, par exemple quelqu'un qui jure par une créature, hein, il dit مثلا اقسم بالكعبة او اقسم بابي وامي, hein, ou bien comme les gens disent ici, je te jure sur la tête de ma mère ou de mon père, ça c'est du shirk, mais c'est du shirk asghar. Sauf que si tu le crois dans ton cœur que c'est égal avec Allah, ça devient du shirk akbar aussi. Fahimt? Donc الشرك بالقول يعني هذا يدخل في الشرك في الشرك الأصغر. Mais il faut faire attention, c'est des choses, même si c'est shirk asghar, tu dois pas le dénigrer ou le prendre à la légère. Tu dois savoir que c'est quand même quelque chose qui est grave et dangereux, yani. Donc le musulman, il doit faire des efforts pour étudier le tawhid et apprendre le tawhid. Aynam. Aynam. Faqad kafara aw ashrak. Donc ça fait partie du shirk et du kufr, de jurer par autre que Allah. Sauf que les ulama ont expliqué que ça c'est une forme de shirk asghar. Hein? Et que yani, ça peut devenir même akbar aussi. Aynam. Dans certaines circonstances. Comme par exemple, les mouchriquins et les koufars, ils jurent par leurs idoles. Hein? Ils jurent par leur dieu ou des choses comme ça. Et eux, ils mettent ces idoles à égalité avec Allah. Hein? Dans l'amour et dans le respect et dans la crainte. Donc ça, c'est du shirk akbar. Mais si un musulman jure par autre que Allah, il ne met pas cette chose par laquelle il jure à égalité avec Allah dans son cœur. Parce que sinon, il devient. Ça, c'est du shirk akbar dans ce cas-là. Mais sinon, si tu lui demandes pourquoi il fait ça ou pourquoi il dit ça, c'est souvent c'est parce qu'il ne sait pas que c'est interdit ou il ne connaissait pas le danger de ça. Tu vois? Mais il sait qu'Allah est au-dessus de tout. Hein? Donc, ça rentre dans des exemples comme ça. Donc il y a beaucoup de jeunes musulmans dans les pays musulmans et dans les pays non musulmans qui jurent par autre que Allah, puis ils savent pas que c'est du shirk. Donc ça c'est dangereux. Après le cheikh explique, il dit النظر المطلق والنظر المطلق كأن ينظر من القربات لله تبارك وتعالى ليس لذلك سبب كأن ينظر لصيام ثلاثة أيام أو ينظر مثلا أن يذبح ذبيحة ويوزعها على الفقراء والمساكين ليس لذلك باعث إلا رجاء مغفرة الله عز وجل وفضله. وهذه كأمثلة قدمها المؤلف رحمه الله وكل ما كان مثلها حكمه كحكمها من العبادات. Donc le cheikh il dit qu'il y a d'autres formes de nazr qui sont absolues, dans le sens que tu les limites pas ou tu les rattaches pas, tu les restreins pas par une chose particulière. Par exemple, tu vas pas dire que c'est relié au fait que Allah te fasse quelque chose en retour. Tu demandes, tu dis juste par exemple, je m'impose à moi-même de faire tel ou tel acte d'adoration. Hein, comme de jeûner 3 jours ou de sacrifier un animal pour les pauvres et ainsi de suite. Hein, donc ça aussi c'est une forme de nadr qui existe et tout. Et tu le fais pour, en espérant le pardon d'Allah et sa grâce. Donc toutes les différentes formes d'adoration qu'on a mentionnées, tout ça c'est des formes d'adoration, des choses que Allah aime. Hein, des choses que Allah subhanahu wa ta'ala aime, et il y en a beaucoup d'autres adorations aussi, et si tu les offres à autre que Allah, eh bien dans ce cas-là ça va devenir, ça devient du shirk. Si tu offres ces formes d'adoration là à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là ça sera considéré comme du shirk. Donc toutes les adorations sont dans cette catégorie, et ça rentre dans ces conditions là que tu dois les offrir uniquement à Allah seul. Et que si tu les offres à autre que Allah, tu les fais pour autre que Allah, ça devient du shirk. Peu importe que ce soit des adorations par le cœur, ou par le corps, ou par la langue, ça fait partie des adorations. Tu les offres pour autre que Allah, ça devient du shirk. Tayyib, par rapport au verset que tu mentionnes, ça c'est le verset 29, non? Dans Surat al-Baqarah. Ou le verset dans surat Al-Ma'ida, Al-Baqarah. Naam, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceux qui ont cru, puis ceux qui ont été juifs ou chrétiens, ou sabi'in. Sabi'in, parmi eux, il y en a qui adoraient les étoiles, il y en a d'autres qui n'adoraient pas les étoiles. Il y en a qui croient en Allah seul. Hein? Parmi ceux qui ont cru en Allah et au jour dernier et qui font des bonnes œuvres, ils auront leur récompense de leur Seigneur, ils n'auront nulle crainte et ils ne seront pas attristés. Ce verset-là, c'est beaucoup de gens le mentionnent et ne le comprennent pas comme il faut. Ça ne veut pas dire que les juifs et les chrétiens sont des croyants. Il faut comprendre que quand on parle des juifs et des chrétiens, à la base, il y a ceux qui ont cru à leur prophète lorsque leur prophète est venu, comme par exemple Moussa alayhi salam. Lorsqu'il est venu, il a appelé au tawhid et il a ordonné à son peuple à obéir à Allah et à adorer Allah seul et à suivre sa religion et à croire au prophète. Ceux qui ont cru en son message à son époque tel quel, qui n'ont pas déformé et qui ont cru en Moussa alayhi salam et qui ont adoré Allah comme il faut et qui sont morts sur le tawhid et sur l'adoration, ceux-là sont des musulmans, sont des mu'minines, sont des croyants. Et ceux qui ont cru en Isa alayhi salam et qui n'ont pas fait de shirk et qui n'ont pas déformé sa religion et qui ont cru en son message tel qu'il l'a amené et qui sont morts sur ça et sur le tawhid, ils n'ont pas cru que Jésus c'est Dieu, ils n'ont pas cru que Jésus c'est le fils de Dieu, ils n'ont pas cru que Dieu est 3 en 1 ou qu'il y a une trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit, parce que ça c'est pas des choses que Isa alayhi salam a enseigné, c'est des choses que les gens ont inventées après. Donc ceux qui ont cru en Isa et en ce que Isa alayhi salam a enseigné à son époque et qui n'ont pas falsifié ou changé le message, ceux-là sont des musulmans, s'ils sont des croyants. Et s'ils sont morts sur ça, ils sont des mu'minines et ils vont aller au paradis. Toutefois, ceux qui ont déformé le message de leur prophète après et qui ont cru en des choses qui sont contraires à ce que les prophètes Moussa, Isa et d'autres prophètes ont enseigné, ceux-là sont des mushrikins et des kuffars, ceux qui ont dit que par exemple Dieu est 3 en 1 ou Jésus est le fils de Dieu ou des choses comme ça. Mais il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que entre la venue de Isa alayhi salam et la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi salam, il y a à peu près 600 ans entre les deux. Hein? Donc entre Isa alayhi salam, lorsque Allah l'a élevé aux cieux, et la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi salam, tous les chrétiens qui ont cru au vrai message d'Isa alayhi salam, hein, pendant cette période, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi salam, qui étaient sur le tawhid et qui n'ont pas fait shirk et qui ont cru au message d'Isa tel quel, ceux-là sont des mu'minines, sont des croyants, sont des musulmans. Mais une fois que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, si une fois qu'il est venu et qu'ils ont entendu parler de lui, et qu'ils ont entendu son message, et qu'ils ont refusé de croire en lui, là, même s'ils croyaient en Isa et qu'ils n'ont pas fait de shirk, ils deviennent des kuffars parce qu'ils n'ont pas accepté de croire en le Coran et de croire en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La même chose pour les juifs, par exemple, ceux qui étaient juifs avant que Isa vienne. Puis Isa alayhi salam arrive et il les appelle au tawhid, et il leur appelle à l'islam et à adorer Allah. Puis il y a des juifs qui disent oui, on croit en Isa, et d'autres juifs qui disent non, on n'accepte pas Isa. Par exemple, des yahouds disent oui, on croit en Isa, et d'autres qui disent non, nous on le croit pas, ils ont essayé même de le tuer. Ceux qui croient pas en Isa parmi eux sont plus des croyants, sont plus des musulmans, deviennent des koufars. La même chose pour les chrétiens, quand ils ont cru en Isa mais ils ont refusé de croire en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils deviennent aussi des koufars, même si ils ont cru à leur prophète. Et donc il faut faire la distinction entre ceux qui ont cru à leur religion avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui ont cru à leur religion, le vrai message des prophètes après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. S'ils n'ont pas cru en le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en le Coran, ils ne sont pas croyants. Donc c'est pour ça que le verset que tu as mentionné, il parle de ces chrétiens-là qui étaient avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui n'ont pas changé le message de leur prophète. Non, exact. Parce qu'il y a des versets clairs là-dessus. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne, comme par exemple dans sourate Al Imran, il dit Inna Allah wa man yabtaghi ghayra al-islam deenan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Celui qui cherche une religion autre que l'islam, Allah va pas l'accepter de lui, et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Inna ad-deena 'inda Allah al-islam. La religion pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam. Donc ça, c'est des choses claires, c'est des choses de base. Et c'est pas possible que, surtout les chrétiens, après qu'ils aient changé et falsifié le message de Isa alayhi salam, qu'ils l'aient associé à Allah, et qu'ils aient dit qu'il était son fils, ou qu'il était Dieu incarné, hein, ou qu'il fait partie d'une trinité, ou des choses de ce genre, ça, c'est clair que c'est du shirk. Et tu les vois aujourd'hui adorer Jésus, adorer Marie, adorer des croix, adorer des saints. Ils ont un saint pour chaque jour de l'année qu'ils adorent en dehors d'Allah, auquel ils demandent des faveurs et des choses. Et ça, c'est pas la religion d'Isa, alayhi salam. Isa, il a jamais dit ça. Même dans le livre, même dans les évangiles falsifiés qu'ils ont aujourd'hui en leur possession, il n'y a pas ça écrit dedans. Hein? Donc c'est pour dire que c'est pas ça la religion d'Isa alayhi salam. Naam. Donc le cheikh il dit ensuite: والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا أي مواضع السجود وأعضاء السجود لله وحده. لأنه هو الذي انفرد بخلقها وتسويتها وجعل القوى فيها فلا تسجد هذه الأعضاء إلا لله لا لصنم ولا لبشر ولا لأي معبود من المعبودات الباطلة التي كان يعبدها أهل الشرك على اختلاف مللهم من وثنيين ويهود ونصارى ومجوس وغير هؤلاء من أنواع المشركين. Donc le cheikh explique que la preuve que c'est toutes les formes d'adoration qu'on fait soient uniquement pour Allah, c'est que yani Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada. C'est-à-dire que al-masajid, c'est le pluriel de masjid en arabe, et al-masjid ou al-masajid, ça peut être les membres du corps sur lesquels on se prosterne, Ça veut dire, on sait que quand on se prosterne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on doit se prosterner sur 7, sur 16, 7 membres. C'est 7. Regarde, le nez et le front, ça fait 1. La main, le nez et le front, ça fait 1. Les deux mains, les deux genoux et les deux pieds. Ça fait 7. Hein? Regarde, 2, 4, 6, 8. 7. Oui, le nez et le front, ça fait 1. Tu vois, j'ai dit 8. Tu m'as mélangé, Harry. Oui, c'est ça. Allah Mustan. Donc, tu m'as fait tromper là-dedans. Donc, ça, c'est al-masajid. On peut appeler ces membres-là, on peut les appeler masajid. Puis, il y a al-masajid, le lieu ou l'endroit où on se prosterne pour Allah. Ça, c'est les mosquées, les endroits où on fait la prière. Ouais, masjid, pourquoi? Parce que masjid, c'est l'endroit où on fait la sajda. Sajda, en arabe, ça veut dire la prosternation. Tu comprends? Donc, c'est pour ça qu'on appelle masjid le lieu. Les membres sur lesquels on se prosterne, c'est al-masajid. Parce que c'est sur ceux-là qu'on se prosterne. Donc, c'est soit les membres ou soit le lieu. Les deux significations sont correctes. Ça peut être un ou l'autre. Dans les deux sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne dois pas te prosterner devant autre que Allah et adorer autre que Allah et invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit que les choses sur lesquelles tu te prosternes ou les lieux dans lesquels tu te prosternes appartiennent uniquement à Allah. Parce que c'est lui seul qui les a créés, hein, qui les a formés. Et il a mis en ceci, en tes membres, la force pour être capable de l'adorer. Alors tu ne dois pas te prosterner tes membres pour autre que Allah seul. Pas pour une idole, pas pour un être humain, pas pour quoi que ce soit de ce qui est adoré parmi les fausses divinités que les mushrikines adorent dans leurs différentes croyances et dans leurs différentes religions. Que ce soit des juifs, des chrétiens ou des majus, des hindous ou des bouddhistes ou peu importe autre, yani, tout ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, c'est batil, et c'est faux, hein? Et yani, le seul qui mérite d'être adoré seul, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Les formes de shirk, les formes de shirk, elles sont multiples. Beaucoup de formes de shirk et les choses que les hommes peuvent adorer sont infinies. Les gens peuvent adorer des choses, il y en a sans limite. Et des fois même, tu vas être étonné de qu'est-ce que des gens peuvent adorer dans leur religion, dans des différentes religions. Dans la religion hindoue, par exemple, ils ont un dieu qu'ils appellent Lingam. Et ça représente le sexe de leur divinité. C'est-à-dire un dieu en forme de phallus qu'il adore. Et ça représente l'objet, l'organe génital de leur divinité. Et ils l'adorent. Hein? Et pour l'adorer, ils vont mettre du lait dessus, puis du miel ou d'autres choses, puis ils lui font des prières, des choses comme ça. Et souvent, ils l'adorent pour avoir, par exemple, des enfants ou des choses comme ça, ils vont l'adorer. Et c'est grave. Et ils adorent aussi une autre divinité qu'ils appellent Yogi. Et ça, c'est l'organe génital de la femme. Et ils l'adorent, l'organe génital de la femme. Donc, c'est pour dire, des choses que les gens adorent, tu peux même pas imaginer des choses vraiment... grave, malgré tout, ces gens-là, ils se prosternent devant ça. Et ils adorent ces choses-là. Hein? Ça prouve à quel point l'être humain, quand il n'utilise pas sa raison, quand il ne réfléchit pas, jusqu'à quel point il peut descendre, jusqu'à quel point il peut tomber. Par exemple, il y en a qui adorent des rats. Et je me rappelle, une fois, j'ai lu dans le journal, il y avait dans une ville en Inde une épidémie de rats. Pourquoi? Parce qu'ils refusaient de les tuer, parce qu'ils disaient que c'était un de leurs dieux. Donc ils ont un temple avec des statues de rats, ils vont là-bas pour les adorer les rats, et ils nourrissent les rats comme ça, hein, et ils ne les tuent pas. Ils ne croient pas que c'est permis de les tuer. Il y en a qui adorent les vaches, il y en a qui adorent toutes sortes d'autres animaux, il y en a qui adorent des êtres humains, il y en a qui adorent... Il y en a toutes sortes de choses comme ça. Donc, c'est pour dire que l'être humain, quand il n'utilise pas sa raison et quand il ne revient pas aux enseignements des prophètes, il peut descendre au plus bas des niveaux. Hein, dans les actes les plus stupides, les plus bêtes, les plus dégradants possibles. Même qu'en Inde, Allah al-Musta'an, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils veulent, par exemple, faire un cadeau à un de leurs dieux, par exemple, et qu'ils ont une jeune fille qui est vierge, hein, elle n'a pas été mariée, ils veulent l'offrir à leur dieu, donc ils vont la donner au dieu. C'est pas, bien entendu, leur dieu, ils n'existent pas, c'est des statues. Mais ils considèrent que le prêtre qui est dans le temple, il est la représentation de ce dieu-là. Oui, il y en a ici des choses comme ça. Je ne sais pas s'ils font ça ici, en tout cas. Ils vont donner la fille au prêtre, au truc là, le gourou là. Il rentre dans le temple, et la petite fille, elle rentre dans le temple, et puis le prêtre, il va commettre l'acte avec elle. Puis les parents, eux, sont contents parce qu'ils pensent que ça, c'est quelque chose qu'ils font pour mettre la bénédiction et pour faire du bien, offrir à leur Dieu quelque chose, qu'il va être content pour ça. Tout ça, c'est à cause du shirk. Parce que c'est des gens qui mentent à propos d'Allah, qui inventent des mensonges à propos d'Allah. Allah n'a jamais ordonné ça. Hein? Toutes ces choses-là, c'est le shirk qui le rend légal. Et c'est le shirk qui ouvre la porte à ces faussetés-là et à ces égarements-là. Et souvent, c'est à cause de ces pratiques et de ces croyances qui sont fausses, qui sont en contradiction avec l'enseignement des prophètes et des messagers, que les athées vont s'attaquer à la religion par la suite. Parce qu'ils vont dire, regardez, qu'est-ce que la religion fait faire à des hommes? Ils font ça, ils font ça, ils font ça. Et donc, ils blâment toutes les religions pour les fautes ou les égarements enseignés dans une de ces croyances-là qui n'ont rien à voir avec l'enseignement des prophètes que Allah a envoyé aux hommes. Hein? Donc, ils vont frapper les religions en se basant sur des exemples de choses fausses que les gens font. Et ça, ils le font pas seulement avec ces religions-là, même avec des choses comme... des choses qui ont même pas rapport avec la religion parfois. Et ça, on l'a vu. C'est pour ça qu'on dit tout le temps que les fausses religions, que ce soit les shirks ou les bid'ahs dans la religion, ça devient un mal contre la religion par la suite. Lorsque des gens font du shirk ou des bid'ahs dans la religion d'Allah, c'est ça qui ouvre la porte par la suite au kufr et à l'athéisme. Et qui va faire que par la suite, des gens vont quitter la religion d'Allah. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire... Nous, on a grandi sur ces croyances et ces pratiques-là, et ça, c'est des choses qui sont pas vraies. Donc, la religion, c'est faux. Ils vont rejeter la religion à cause des mensonges que des gens ont inventés dans la religion d'Allah, qui n'ont rien à voir avec l'islam. Et c'est ça le danger donc, de l'égarement, du shirk, du kouf et le danger des innovations et des bid'ahs dans la religion. Les gens pensent que les bid'ahs, c'est innocent. Non, c'est pas grave. On fait des actes dans la religion juste pour... parce que nous, on trouve que c'est quelque chose de bien. Hein? Mais tu leur dis, oui, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas enseigné de faire ça. Et c'est pas écrit dans le Coran, c'est pas écrit dans les hadiths. Et ils disent, oui, mais c'est pas mal, il n'y a rien de mal là-dedans. Hein? Donc si c'est pas mal de faire ça, pourquoi pas faire quelque chose d'autre? Il y en a un autre qui va dire, ok, ben dans ce cas-là, moi je vais rajouter ça. Et l'autre il dit, ben dans ce cas-là, moi je vais rajouter ça. Et ça devient par la suite, à la fin, une nouvelle religion. Comme le christianisme aujourd'hui. À la base, Isa alayhi salam, qu'est-ce qu'il a enseigné? C'était le tawhid. C'est l'islam, sa religion. La religion d'Isa, c'est l'islam. Mais aujourd'hui, c'est devenu quelque chose d'autre que l'islam. Pourquoi? parce qu'ils ont fait des bid'ahs et des innovations dans la croyance et dans la pratique, et c'est devenu quelque chose d'autre par la suite. Donc le cheikh il dit ensuite, فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. C'est-à-dire celui qui offre à autre que Allah une forme d'adoration quelconque, alors dans ce cas-là il est un mushrik, il est un kafir. Hein? Tu offres à autre que Allah, tu pries à un prophète, tu pries à un ange, tu pries à un saint, à un wali, tu pries à une tombe, tu pries à une idole, une statue. Hein? Tout ça, c'est, tu as offert un acte d'adoration à autre que Allah, ça c'est shirk. Donc dans ce cas-là, tu deviens un mushrik et un kafir parce que tu as adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est, comme on a dit, c'est le plus grand péché. Et le cheikh il mentionne comme preuve le verset 117 dans Surat al-Mu'minun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quiconque invoque une divinité au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve, son jugement appartient à son Seigneur, c'est-à-dire c'est Allah qui va le juger, et Allah ne donne pas le succès aux mécréants. Allah ne donne pas le succès aux mécréants. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرٌ. Hein? Celui qui invoque avec Allah une autre divinité au sujet de laquelle il n'y a aucune preuve. Et c'est normal que si c'est une divinité en dehors d'Allah, il n'y a aucune preuve à son sujet. Donc ça c'est pour confirmer qu'il n'y a pas de preuve pour le shirk. Peu importe qui fait du shirk, peu importe la personne qui essaie de justifier le shirk qu'elle fait, elle ne sera jamais capable de ramener une preuve pour justifier qu'est-ce qu'elle fait, c'est acceptable dans la religion d'Allah. Celui qui prie au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui adore le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qui adore un wali parmi les awliya, ou un shaykh parmi les shuyukh soufiyya, ou des choses de ce genre, ou qui prie à Isa, ou qui prie à Maryam, ou qui prie à un ange, Jibril, ou un autre ange, ou qui adore yani, un djinn, parmi les djinns, tu lui demandes c'est quoi ta preuve que tu as pour adorer autre que Allah, il ne peut pas ramener de preuve. Il ne peut pas ramener de preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, yani, ni dans la logique, ni dans la raison. Et le cheikh il dit ensuite, حكم الله تبارك وتعالى في هذه الآية بالكفر على من يدعو مع الله إلها آخر أي يعبد مع الله إلها آخر إذ لا معبود حق إلا الله تبارك وتعالى وفي قوله لا برهان له به يعني هذا الوصف خرج مخرج الغالب وبيان ذلك أنه لا يوجد معبود يعبد بحجة أو سلطان من كتاب الله أو سنة إلا الله تبارك وتعالى وأما سائر المعبودات المخترعة الباطلة المذمومة فإنه لا يقوم على عبادتها أي برهان من عقل أو نقل. C'est ce que je disais. Donc Allah a jugé à propos de, yani dans ce verset qu'on a lu, le verset 117 dans Surat Al-Mu'minun, Allah a jugé dans ce verset que la personne qui invoque une divinité autre que Allah a commis le kufr, a commis le shirk. Il a adoré autre que Allah, et on sait que la ma'boud haqqun illallah. Quand on dit la ilaha illallah, c'est ce que ça veut dire. Il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Il y a des divinités, hein? Il y a beaucoup de divinités qui sont adorées, mais elles ne méritent pas d'être adorées. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas les qualités nécessaires pour être adorées. Le seul qui possède les qualités nécessaires pour être adoré, c'est Allah. Parce que c'est lui seul qui est le créateur, c'est lui seul qui est le pourvoyeur, c'est lui seul qui est le tout-puissant, c'est lui seul qui est l'omniscient, c'est lui qui a tous les attributs et les noms de perfection. Il n'y a personne en dehors d'Allah qui a ces caractéristiques-là. Il n'y a personne en dehors d'Allah qui a ces attributs-là. Il n'y a personne en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a ces noms-là Donc, le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah seul. Hein? Pourquoi tu vas adorer quelqu'un qui n'a pas le pouvoir sur tout? Hein? Pourquoi tu vas adorer quelqu'un qui ne veut pas créer, qui ne peut même pas parler, qui ne peut pas bouger, qui ne peut rien faire, qui n'a pas de pouvoir sur rien? Donc, si tu fais ça, Yanni, tu n'adores pas la vérité, tu adores le faux. Et c'est pour ça, donc, que Yanni, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça dans ce verset. Et quand il dit, la burhana lahu bihi, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune preuve à son sujet, c'est pour dire, en réalité, que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien, à son sujet, il n'y a aucune preuve qui justifie son adoration. Il n'y a rien qui est adoré en dehors d'Allah, excepté qu'il n'y a pas de preuve à son sujet qui justifie son adoration. Que ce soit dans le livre d'Allah, ou dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou même dans la raison. Donc, toutes les idoles que les mushrikines ont inventées pour adorer, hein, tu regardes dans la religion hindoue, par exemple, il y a des milliers de dieux que ces gens-là adorent. Yani, subhanallah, tu rentres dans un magasin, yani, par exemple, des bouddhistes ou des hindous, tu vois qu'ils ont mis à côté, dans le magasin, ils ont mis une statue avec des encens, et puis ils mettent des fois, ils vont donner un verre de jus, un verre de thé, avec de la nourriture à côté, comme si la statue allait manger ça. Est-ce qu'il y a une preuve pour l'adorer, cette statue? Non. Hein? Allah al-Musta'an. Donc, ça c'est pour expliquer que yani, le shirk c'est batil. Yani, et puis, c'est pas supporté par aucune preuve. Ni dans la révélation, ni dans la raison. Akhi Youssef, si c'est l'heure du adhan, tu peux me dire, comme ça on arrête. Ok, on s'arrête ici, inshallah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.